pourquoi t'es parti, maintenant je suis par terre. Mon cœur est calciné, tu savais pas. Pourquoi t'es parti, maintenant je suis par terre. J'étais au bout de ma vie, tu savais pas. Donc je suis candidat, je suis devenu candidat. Donc je suis candidat, je suis devenu candidat. Le respect c'est réciproque, ouais passer la belle époque. Quand je te vois sur Instagram, tu sais moi j'apprécie pas. Trop de conséquences de tasse, voilà le temps qui passe. Il est temps que ces cons s'écartent, je t'aime c'est le principal. Tant qu'il y aura que nous deux, je ne voyais que nous deux. Tant qu'il y aura que nous deux, je ne voyais que nous deux. Et tu sais comment c'est, on doit recommencer. Les blessures du passé, on doit les effacer. Pourquoi t'es parti, maintenant je suis par terre. Mon cœur est calciné, tu savais pas. Pourquoi t'es parti, maintenant je suis par terre. J'étais au bout de ma vie, tu savais pas. Donc je suis candidat, je suis devenu candidat. Donc je suis candidat, je suis devenu candidat. On était comme si à moi, non maman ton cœur c'est à moi. T'es plus belle qu'une sirène, je pense à toi toute la semaine. Trop de passe-passe de vie, c'est moi qui ai mal aimé. Viens on oublie tout, on kiffe, on fait des câlins. Les paroles les aides bébé, je sais plus comment faire. Mon délit c'est t'aimer, faudrait qu'on m'enferme. J'ai tout fait pour toi, tu me souhaites l'enfer. Regarde-moi dans les yeux, oui je suis sincère. Tant qu'il y aura que nous deux, je ne voyais que nous deux. Tu savais pas pourquoi t'es parti, maintenant je suis par terre. J'étais au bout de ma vie, tu savais pas. Donc je suis candidat, je suis devenu candidat. Donc je suis candidat, je suis devenu candidat. Viens on fait des câlins, viens on fait des câlins, viens on fait des câlins. Viens on fait des câlins, viens on fait des câlins, viens on fait des câlins.